de nos ancêtres, vent debout et jaloux de ta liberté, comme un soleil contre un pauvre nom à traître, un symbole ardent de foi et d'unité, que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Bonsoir. On va prier, n'est-ce pas? On va prier. Vous ne voulez pas qu'on prie? Hein, ma soeur? Baissons la tête d'abord, prions pour les dirigeants de ces pays ici, d'accord? Prions pour les dirigeants de ces pays. Prions pour le dirigeant principal de ces pays. Père, nous prions pour le chef de l'État. Nous prions pour sa famille. Nous prions, Père, que tu lui donnes la sagesse nécessaire pour faire ce qu'il a à faire. La lourde responsabilité qu'incombe la tâche que tu lui as donnée. Nous prions, Dieu de gloire, que tu lui donnes la sagesse de prendre les bonnes décisions et surtout la bonne décision telle que tu voudras. Nous soumettons tout sous ton contrôle dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom seul soit élevé. Ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit magnifié. Nous prions, Père, que tu aies un regard favorable pour sa vie. Nous prions, Seigneur, que tu inclines les regards sur sa vie. Ouvre les yeux de son cœur. Ouvre les yeux de son cœur. Afin qu'il entende ta voix. Et qu'il discerne ta voix. Et fasse ce que tu veux pour lui et pour cette nation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant que tu ne prie pour nous ce soir, permettez-moi de transmettre un message pour le président particulièrement. Cette fois-ci, c'est son message direct. Prenez les Bibles, prenez vos Bibles, bien-aimés. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Si vous avez le téléphone ouvert, fermé, et si tu suivez les enfants. Vous savez, une fois, je vous avais dit que j'avais écrit un message au président de la République. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? J'en ai parlé plusieurs fois. Et la façon dont il est chargé, la façon dont il est occupé, ce n'est pas toujours évident qu'il prenne un document et commence à lire. Et même si les gens liraient, même si les gens qui sont tout autour de lui liraient, est-ce qu'on lui restituerait la chose telle que c'est donnée? Et vous vous souvenez, quand j'avais parlé de ce message que je suis allé moi-même à la présence pour donner, j'avais dit que je m'étais retiré pour prier, pour jeûner, pour chercher la face du Seigneur. J'étais là en priant pour les chrétiens, en priant pour l'église, en priant pour rechercher autre chose. Subitement, le Saint-Esprit dit, prends ta plume et écris. Je croyais que c'était des prophéties pour l'église, pour quoi que ce soit. Je me mets sur le papier, attends qu'il me donne les indications qu'il veut écrire. Il a dit que ça, c'est pour la lutte contre la corruption au Cameroun. La manière dont Dieu veut qu'on axe la chose. J'ai commencé à écrire, j'ai fini d'écrire. Quand j'ai écrit jusqu'à ce que C'était terminé, je déposais les plumes. J'ai dit qu'est-ce que ceci signifie? Je veux que vous ouvrez vos oreilles avant qu'on aille dans la Bible parce qu'on va lire quelques passages dans la Bible. Alors, il y a cela quelques jours, je me suis retiré devant le Seigneur. J'ai dit, ah, je suis descendu comment il a dit, va vers la prière, va vers la prière. Il dit à ma femme que, mais tu ne penses pas que il serait bien que je sens que le Seigneur me dit qu'il me retire pour le jeûne. Alors, je me suis retiré sans téléphone, sans ordinateur. Et je suis posté là. Je me suis enfermé dans une des chambres, sans téléphone, sans rien. Je suis là avec la Bible, avec la feuille, parce que je sais que quelque chose va venir. Mais je sais que c'est pour l'église. C'est vrai que beaucoup de choses sont venues pour l'église, mais une fois de plus, voici le message pour le présent de la Bible. Donc vous voyez effectivement que vous êtes dans une direction, vous pensez que voici ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, mais le Seigneur dit, voici le message pour le présent. C'est pour cela que cette fois-ci, c'est comme ça que ça va se passer. Je n'écrirai plus pour aller déposer à présent, parce que je vais dire de telle enseigne que lorsqu'il va entendre, qu'il entende lui-même le message, ou bien ce que ses proches entendent et qu'ils lui disent, qu'on puisse entendre de la voix, on sait de quoi il est question. Vous savez, beaucoup de choses sont passées autour et je comprends pourquoi le chef de l'État peut adopter certaines positions ou bien certaines personnes peuvent faire autour de lui, on peut adopter certaines positions. Parce que lorsqu'on est encadré par les gens qui veulent seulement les positionnements, c'est une chose. Mais il va falloir que dans chaque nation qu'on comprenne ce que Dieu utilise pour donner ce message. Parce que lorsque les différentes voix sortent, ah, il faut qu'il laisse le pouvoir, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse ceci. Et qu'on dise ceci vient de Dieu. Et ah, il n'aura pas l'élection, ah, il n'a pas gagné les élections. Et que c'est un collège de pasteurs qui le dit et qui parle au nom de l'Éternel. Et que la chose ne s'accomplit pas, il y a un problème. Il y a un problème. Donc c'est un message qui lui est destiné directement. Directement. Lorsque je vais finir avec lui, je vais prendre ce message et puis on va prier selon que ça va venir. Vous savez, c'est seulement dans les boîtes aux lettres. C'est seulement dans les boîtes aux lettres et en fou ici. Donc on enlève une enveloppe, on lit seulement dans mon esprit. Lisons d'abord donc, lisons quelques passages de la Bible. C'est que chaque chef d'État, et ceci devait donner l'exemple à chaque dirigeant du monde. À chaque dirigeant. C'est que dans certains régimes et certains partis, on a tellement peur de s'adresser au chef de l'État, ou lorsqu'on a les messages, on commence à avoir peur. Dans chaque dirigeant du monde, ça enregistre là. Donne-moi ton téléphone si ça enregistre. Vous tous qui êtes en train d'enregistrer, vous ferez bien de donner là. Dans chaque dirigeant du monde, il y a eu Nelson Mandela, Mobutu Sese Seko, il y a eu le pape Jean-Paul II qui est l'un des dirigeants de l'État du Vatican, qui sont tous morts, pas vrai? Ceci devrait donner des leçons à chaque président dans chaque pays pour montrer qu'ils ne sont pas éternels. Ceci devait donner de ça devait parler au cœur de chaque président pour dire que tu n'es pas éternel. Alors maintenant, quand quelqu'un est président de la République, et que là, tu as là tous les honneurs qu'il te faut. Tu as là toute la gloire qu'il te faut. Il suffit que tu tendes la main pour demander quelque chose. La chose est là. Qu'est-ce qu'il te faut au juste, sinon la recherche de la crainte du Seigneur? N'est-ce pas la crainte du Seigneur qui te faudra? Alors, lisons quelques passages de la Bible. Commençons par le livre de Daniel. Je vais lire quelques versets là-bas. Daniel, chapitre... Prenons le chapitre 4 de Daniel. Je vais lire quelques passages et je vais donner le message directement. Daniel, le chapitre 4. Permettez-moi de trouver. Allons-y vite. D'abord, de toute façon, ça ne vous concerne pas. Puis, je vais passer à vous pour la prière. Et puis, je vais vous dire ce qu'il en est par rapport aux prières qu'on va faire maintenant pour vous, vous qui avez des problèmes. Je suis là pour vous servir. Et ça ne serait pas bon, ou mieux, si on ne comprend pas qu'il est nécessaire que je me retire. Et qu'il ne prend pas de coups de fil, il ne prend pas de téléphone. Il est nécessaire que pour nous tous que je me retire. Même pour un bon, même si c'est pour un an. Alors maintenant, regardez l'ancien livre de Daniel, chapitre 4. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé avec Daniel et Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Lisons quelques versets là, voilà. Il y a eu le songe. Donc, je vais dire le message direct au président, puis je vais parler l'autre en parabole. Enfin, ça ne vous concerne pas. Que vous ne comprenez pas, ça ne vous concerne pas, ça le concerne lui. Verset 24 du chapitre 4 de Daniel. La Bible déclare, Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept ans passeront sur toi. Mais ce n'est pas la première partie. Ne commence pas à me regarder comme ça, comme si quelque chose va arriver au président. C'est pas ça dont je suis en train de parler. Comment vous me regardez comme ça là? Vous n'allez pas dire qu'il est en train de dire qu'on va chasser le président Paul Biya au pouvoir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vais vous amener ici pour que vous compreniez quelque chose. Enfin, pour qu'il comprenne quelque chose. Le verset suivant dit, regardez bien. Et sept ans passeront sur toi, écoutez, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. C'est ce volet-là que je veux qu'ils comprennent. Que la, c'est ça que j'en ai dit, que Mobutu et autres, là-bas, vous voyez, une autre personne est venue quoi, à RDC. Après, il est décidé, encore une autre personne est venue et les gens, la quête au pouvoir, ainsi de suite. Les gens ne comprennent pas que c'est la crainte du Seigneur qui prolonge le règne. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le président de la République doit d'abord, un, comprendre que c'est le règne du Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît. Dans un des documentaires, le président, ancien président gabonais montrait les photos des différents présidents français qui ont traversé sous lui. Il a montré les Pompidou et autres en montrant. Et il s'est vanté en arrivant vers, je crois que c'était Nicolas Sarkozy. Il a dit que, et après lui, maintenant, c'est qui? Parce que tous les, pour dire que tous les présidents sont passés en France, le laisser, il était toujours au pouvoir. Peut-être 8 présidents français ont traversé, il était toujours là. Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui? Vous allez l'entendre à la fin de ce message. C'est ce que lui-même va dire quelques jours avant de mourir. Le président Omar Bongo. D'accord? Allons-y quelque part. Daniel chapitre. On a lu Daniel chapitre 4, n'est-ce pas? Le verset 24, la partie C. Je n'ai pas dit que le président de la République sera chassé pour 7 ans. Je suis en train de lui dire qu'il faut qu'il comprenne que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Et que. C'est ce que Dieu dit. Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Pourquoi Dieu fait ceci avec Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar pouvait se vanter. Il croyait peut-être que comme il réussissait, la Bible l'appelle l'enclume, le matelas avec lequel le Seigneur l'utilise pour terroriser et donner des vindicatifs aux nations et aux rois qui ne lui étaient pas, enfin, principalement à la tribu d'Israël, qui n'étaient pas obéissants à sa loi. Alors Dieu utilisait Nebuchadnezzar comme pour corriger. Et là, Nebuchadnezzar croyait effectivement que c'est pas sa puissance qu'il travaillait. Il ne savait pas que c'était Dieu qui était au ciel, qui domine, qui veut, il enlève. En fait, si vous lisez le chapitre 5, vous allez voir son fils Belshazzar, ce qu'il va lui arriver. Il va prendre les coupes, commencer à boire les coupes qu'on a prises dans le temple de Jérusalem, boire avec les femmes, avec les prostituées, ne sachant pas que c'est Dieu qui a ordonné que les choses soient amenées de Jérusalem en Chaldée. Il va commencer à boire avec les prostituées, une main va sortir du ciel comme ça, écrit comme ça. La Bible déclare que quand elle a lu ça, le palu a arrêté, le palu avec les eaux. Ses eaux ont commencé à trembler. Grrr. Il fallait chercher maintenant un prophète pour interpréter. Un prophète pour interpréter ce que la main a dit. La main a dit que pesé, compté, que tu as été pesé, la balance, tu n'étais pas en sortie. Que c'est fort pour toi, ton règne, c'est divisé. Et la Bible déclare que ce soir même, cette nuit même de l'interprétation, le royaume a été divisé. Vrai? Alors, le très haut domine sur le règne des hommes. Ce n'est pas les militaires, ni les partis politiques, ni quoi que ce soit qui suivaient le roi, jamais. Ce n'est pas les gardes du corps, les voitures blindées, ce n'est pas ça qui suivait le président. Parce qu'une maladie qui te frappe, un crise cardiaque qui te frappe pour enlever ton âme, un garde du corps peut quoi? Si tu restes dans ton propre véhicule, personne ne t'attaque, un esprit vient t'attaquer, enlève ton âme. Quoi, le gilet papal va falloir faire quelque chose? Les voitures blindées feront faire quelque chose? Non. Alors le plus grand attaque contre un président de la République n'est pas contre un ennemi physique, c'est d'ordre spirituel. Et si vous passez le temps dans ce livre de Daniel, vous allez effectivement observer que plusieurs présidents qui sont passés, les rois qui sont passés et que Daniel était là, on nous a enseigné qu'au-dessus d'eux étaient des dominations. Pas vrai? Des princes qui régnaient au-dessus d'eux. Me suivez, frère? Le Seigneur Jésus appelle le président Paul Biya à annoncer une journée de jeûne et de prière pour le Cameroun de repentance. On va lire quelques passages dans la Bible. C'est son message direct. Parce que c'est ceux qui vont écouter, ou bien ceux de la présence vont écouter, ils vont lui faire suivre ceci. je n'écrirai plus pour aller à la prison, pour donner, pour qu'on ait le temps de faire, je fais ce que j'ai à faire et que le reste va s'en suivre. Ça va là. Le Seigneur Dieu du ciel qui domine sur le règne humain demande, commande au président de la République du Cameroun d'annoncer et d'appeler tous les Camerounais sans exception à la repentance. Voilà le message. Voilà en somme le résumé du message. Enfin, je pouvais m'arrêter ici là maintenant. Le choix de Sissi est difficile parce que le Cameroun est un pays composite de plusieurs religions. Mais le Seigneur a dit, Jésus-Christ n'est pas le Jésus-Christ des chrétiens. Il est le Jésus-Christ des êtres humains. Donc il n'est pas à dire que les chrétiens pour eux c'est Jésus-Christ, les musulmans pour eux c'est Mohamed. Jésus-Christ est le Jésus-Christ, il n'est pas le Jésus-Christ des chrétiens, mais le Jésus-Christ des êtres humains. Vous me suivez, frère? Ok. Donc, le Seigneur veut que le président de la République, c'est lui dont le problème maintenant là, que le président de la République appelle une journée des jeûnes et des prières de repentance pour la nation du Cameroun. Permettez-moi de lire le livre de Jonas au chapitre 3 avant d'avancer. Jonas, trouvez rapidement. Enfin, ça ne vous concerne pas, même si vous ne trouvez pas votre livre, je vais trouver. Souvenez-vous, vous avez quelqu'un qui travaille à la présidence, au premier ministère, n'importe quoi. Faites seulement que ça suit son cours jusqu'à l'ayant droit. Le livre du prophète Jonas. Si vous lisez, c'est avant, vous avez ouvert Michée, c'est après, avant Michée. Permettez-moi d'ouvrir. Jonas au chapitre 3. Vous savez que Jonas avait fui l'appel, pas vrai? La commission. Puis il est tombé, trois jours, il est mort. Vous savez qu'il était mort, n'est-ce pas? Puis il est ressuscité. Quand il est revenu maintenant, il est allé prêcher. Au préalable, on lui a dit au chapitre 2, chapitre 1, verset 2, que va et crie. Maintenant, au chapitre 3, on lui dit, maintenant, on va publier ce qu'il va dire. Maintenant, lisons au chapitre 3. La parole de l'Éternel, je suis dans Jonas au chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Vous avez moi. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Donc, étant de là où il était, il fallait marcher 3 jours pour arriver là où Ninive se trouvait. D'accord? Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne. Ah, c'est merveilleux ça. Que Dieu nous donne un peuple qui puisse entendre la voix de Dieu ainsi. Les gens, verset 5 du chapitre 3 de Jonas. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Vous avez vu cela? Ça, c'est ce qui s'est passé. On a dit, le Saint-Esprit a raconté ce qui s'est passé dans la population. On va se tourner vers le chef du pays. Et l'autre. Verset 6. La chose parvint au roi de Ninive, donc le président de la République de Ninive. D'accord? Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Le président de la République. Le président de la République d'un pays. Vous avez vu ça, frère? Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Vous avez vu ce qu'un président a décrété, n'est pas vrai, frère? Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardent colère, en sorte que nous ne périssions point. Puisse seulement Dieu tourner le cœur du président de notre pays et des grands de ce pays-ci, comme il a fait pour ce roi-ci. Continuons là. Regardez. Vous y êtes? verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Amen. Vous avez vu ça? Dans plusieurs prédications, j'en ai parlé par rapport au Cameroun. Je dis qu'il va parler en parabole, mais j'en parle. Dans ce pays-ci, on va craindre Dieu. Ça arrive au niveau devant le Seigneur. C'est vrai qu'on peut parler, on regarde à l'aspect économique. On voit des choses qu'il y a, ce que les économistes ont fixé. Ce que les gens ont décidé de faire, ce que telle ou telle personne décidait de faire, mais ce n'est pas le décret qui est devant le Très-Haut. Ce n'est pas le décret. La Bible déclare que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas parce qu'il a une très grande armée qui peut te sauver. On a vu beaucoup de personnes, enfin Israël dans la Bible, on a vu Israël aller avec quelques poignées d'hommes, aller vaincre toute une armée d'ennemis, pas vrai? Voilà. Donc, la stabilité que le pays a, où on peut appeler les investisseurs à venir en disant que le Cameroun est un îlot de paix et ainsi de suite, ça c'est les pensées humaines. Ça c'est les pensées, lorsqu'on traverse les strates des cieux en haut, on se trouve devant le trône, ça change la donnée. Parce que c'est ce que lui dit qui est le problème. C'est ce que lui qui dit qui est vrai. Un de ces jours, Job était dans la prospérité. Un de ces quatre matins, il ne savait pas ce qu'il s'est discuté sur lui en haut. Pas vrai? La donnée a changé dans sa famille. Et Dieu fait comme ça là, dans le pays. Et souvenez-vous, il peut bouleverser toute une nation. Toute une nation. Pour faire fléchir un cœur à lui. Bouleverser. Il y en a plein comme ça dans la Bible. Bouleverser toute une nation. Pour faire fléchir les genoux à lui. Donc, le président de la République du Cameroun, Dieu lui commande d'assigner son pays, son peuple, aux jeunes et à la repentance. Ça ne concerne pas seulement ceux qui sont ici, parce que, vous savez, dans la prière, là, il y a des choses que je ne dois pas expliquer. Les gens, ce qui se trouve dans ce pays-ci, les gens sont à l'extérieur du pays. Je ne sais pas comment on va mettre ceci. Les gens sont à l'extérieur du pays. Désirent venir. Bon, c'est vrai qu'il y a deux aspects. Désirent venir dans leur propre pays pour investir. Mais quelque chose les bloque. C'est un voile qui est sur le pays. C'est un voile qui est sur le pays. Ça veut dire que ceux qui sont à l'extérieur, qui aiment le pays, c'est véritablement, qui sont qualifiés autres. Ces choses se passent, les gens reviennent au pays. Vous allez, vous parlez du développement, le développement que ce pays va avoir. C'est merveilleux tout simplement. Et même, ceci va se passer pour beaucoup de pays d'Afrique. Le moment arrive, peut-être vous pouvez ne pas croire, où les blancs viendront en Afrique chercher du travail. Le moment arrive où ceux qui ont fui leur propre pays, aller dans l'autre nation. Il dit, je parlais de deux aspects parce qu'il y a certaines personnes qui ont fui leur culture et ne souhaiteraient même pas qu'on dise qu'ils sont Camerounais. C'est un autre paire de manches. Il faut résoudre le problème. Il leur faut la délivrance. Ce n'est pas parce que ton pays a fait quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Qu'est-ce que tu fais pour mettre la pierre? Ceci, ça ne sert à rien d'aller rester sur les ondes ou bien rester loin, commencer à dire que tel a fait comme ça, tel a fait comme ça, tel a fait comme ça. Toi, tu as fait quoi pour le pays? Qui revient au pays? Qui revient au pays, c'est notre paire de manches là-bas. Mais je suis en train de parler de ce que j'ai vu, ce qui est regardé, c'est que les Africains vont rentrer dans leur pays. Et même, ils vont rentrer en contingent. Je vous le dis avant que ça n'arrive. Des gouvernements, ces gouvernements dans les gens, là où les gens vont pour se réfugier, pour trouver des refuges là. Des lois seront votées là-bas pour serrer l'étau. Et puis, on va donner les injonctions, voter des choses sur place dans le gouvernement, développer des choses sur place pour leur dire que, ok, comme ceci est chez vous, là, vous n'avez pas besoin de venir ici. Le moment arrive, mais on va proclamer que ceux qui désirent aller chez eux, on les prend en charge. Beaucoup vont venir. Plusieurs sont là, se livrent dans des vices alors qu'ils ne devaient pas le faire. Beaucoup laissent les champs ici, leur maman ici, ils ne peuvent pas donner le signe de vie, ils ne peuvent pas rentrer dans leur propre pays parce que ce qu'ils vivent là-bas est terrible. S'ils rentrent, ils ne peuvent plus revenir parce qu'ils vivent des choses inouïes, des choses abominables. Mais parce qu'on veut à tout prix qu'on sache qu'on est à l'extérieur. Mais Dieu va secouer là-bas. Vous savez, voici les oiseaux qui reviennent comme ça dans leur nid. Ça, c'est ce qui arrive. Donc, les gens sont à l'extérieur, désirent revenir. Je parle parce que je suis concentré sur le chef de l'État, sur notre pays. Désirent venir. il faut qu'un voile soit ouvert. Chacun va vouloir dire, ah, quand il veut venir, pour qu'est-ce qu'il vient investir, est-ce que ça va donner? Ceci là, c'est fort. Vous me suivez? En tout cas, même si on ne suit pas, ce n'est pas pour vous de toute façon. Alors, lisons ici. Donc, ça arrive. Ça arrive. Ce décret, si ce décret est donné, ça va susciter les inimitiés constitutionnelles. Parce que ça sera de jamais vu. Ça sera du jamais vu. Ça va susciter des inimitiés constitutionnelles. C'est-à-dire que les gens vont se présenter en sortant des textes de la Constitution. Ça va susciter ces choses-là. Mais c'est la sortie glorieuse devant le Seigneur ici. C'est la sortie glorieuse devant le Seigneur pour un président de la République de dire, il est temps que les nations, chaque peuple, chaque peuple, groupe, chaque groupement, chaque en quelque lieu que se trouvent les Camerounais, demandons pardon à Dieu pour ce que nous avons commis dans ce pays-ci et changeons de voie. C'est tout ce que Dieu attend pour le président. Il ne sait pas en quoi ça va constitutionnaliser la politisation. Il faut seulement que le président fasse cela et que les Camerounais décident que nous changeons et quelque chose se passe. C'est ce que Dieu veut. Alors, allons-y dans. J'ai dit quel livre? J'ai parlé d'un livre. J'ai donné un livre. J'ai donné. Ok, Proverbe chapitre 16, donc. Proverbe le chapitre 16. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Priez pour lui, c'est pas facile. Donc, je m'adresse au président de la République. Au président de la République, Dieu veut que son excellence publie un jeûne, une journée de repentance. De repentance, de jeûne et de repentance pour le pays. Parce que les choses crient dans ce pays. Des choses crient dans ce pays. Je n'ai pas le temps de parler, mais le moment viendra, je parlerai de ces choses-ci qu'on est en train de travailler. On fait des travaux dans des cités, dans des grandes artères. On invite des puissances occultes pour venir bloquer la pluie. On détourne le cours naturel des choses parce qu'on veut travailler. Et puis maintenant, on envoie des pluies de part, on envoie à gauche, comme vous allez le voir là. Quand ça va déclencher sur mon pays, il ne faut pas que les gens disent que le Seigneur que je sais est méchant. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que ces choses sont en train d'avancer. On veut travailler, on veut faire des travaux. On passe le temps à utiliser les forces du culte pour faire des choses. Après, Dieu au ciel, il observe. Dieu veut la repentance. Des gens sont assassinés par ici. Vous entendez le meurtre rituel par là-bas. Meurtre sacrificiel par là-bas. On a trouvé une femme ici avec les organes. On a trouvé telle ou telle chose. On a trouvé des bébés abandonnés par ici. Ces choses-là crient contre le pays. On n'a pas besoin d'embrasser les systèmes extérieurs à outrance. On a nos propres valeurs. Et chaque peuple est en principe indépendant. C'est parce qu'on parle de la souveraineté d'un État. On ne doit pas copier les choses qu'on va t'imposer un modèle de démocratie que si tu ne fais pas comme ça. La prospérité véritablement vient du Seigneur. Lisons quelques passages là. Et m'adresse au président de la République. On y va. Chapitre 16 des Proverbes. Verset 10. Vous avez moi. Après vous donner certains des versets encore. Lisons ensemble. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Ça, c'est la parole du Seigneur. Vous avez vu cela? Sa bouche ne doit pas être infidèle lorsqu'il juge. On avance. Verset 12. Les rois ont horreur de faire le mal. Si vous voulez remplacer le roi par le président, les présidents de la République ont horreur de faire le mal. Donc, voici la norme de Dieu. On continue, verset suivant. Car c'est par la justice que le trône s'affermit. Le trône du président de la République s'affermit par quoi? Par la justice. Voici pourquoi cette prière s'est amenée toutes ces personnes, ceux qui ont été en conduit en prison. C'est la prière qui les a amenés. Si ceci n'avait pas été fait, il y a le soulèvement. Prions pour cette nation-ci. Prions pour cette nation parce que les forces occultes, il y a des gens qui ne sont pas contents du fait qu'on soit calme comme ça. Ok. Prions pour cette nation. Verset 13. Les lèvres du juste gagnent la faveur des présidents de la République. Les lèvres du juste gagnent la faveur des présidents de la République. Les lèvres du juste. Quand tu es juste, tu dis ce qui est droit. Pas pour le flatter. Parce que les gens aimeraient que même s'il est en train de se noyer, on dit que oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Après, c'est son nom qu'on affiche partout. Même quand il n'est pas coupable, on affiche. On dit que c'est lui. C'est le Cameroun de Paul Biya. Comme si c'est lui qui est le seul Camerounais. Souvenez-vous, dans vos vies quotidiennes, la façon dont vous vous comportez dans votre service, la façon, il est à la présidence là-bas, souvent il n'est même pas au pays. Tu es là en train de conduire ta moto, tu conduis la voiture, tu travailles dans un endroit, tu travailles chez quelqu'un, tu fais la corruption. C'est lui qui t'a envoyé faire. C'est lui qui t'a envoyé faire. C'est lui qui est en train de faire. Après, on va dire qu'il est à l'image de son pays. Changeons cette image-là. On peut se prosterner devant le Seigneur, demandant sa miséricorde jusqu'à ce qu'il emmène les temps de rafraîchissement sur ce pays-ci. Le calme n'est pas la stabilité devant le Seigneur. Le calme n'est pas la stabilité. Mais ça peut être un avant-coureur d'un orage terrible. Le calme dont fait montre un pays n'est pas la stabilité. Parce que la Bible déclare que tu ne sais pas à quoi le lendemain peut ressembler. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. On avance là. Voilà. Les versets, nous sommes au verset 13 du Proverbe 16. Les lèvres du juste gagnent la faveur des présidents de la République. Et il aime celui qui parle avec droiture. J'espère qu'il va m'aimer en écoutant ceci. La fureur du président de la République est un messager des morts. Et un homme sage doit l'apaiser. On arrive, on avance, frère. Alors, chapitre 21. Chapitre 20 d'abord. Lisons rapidement. Chapitre 20 des Proverbes, versets 26 à 28. Verset 26 dit, « Un président sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. » Donc, il doit plutôt nettoyer son entourage, pas vrai? Verset 27, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. » Verset 28 dit, « La bonté et la fidélité gardent le président de la République. » Vous voyez cela? « La bonté et la fidélité gardent le président de la République. » Et il soutient son trône par la bonté. Vous avez vu, mes chers? Allons au chapitre 21 maintenant, le premier verset. Le cœur du président de la République est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Vous avez vu comment il a incliné pour Nebuchadnezzar? Il a décidé que 7 ans vont passer sur lui. Et après ces 7 ans-là, c'est là où Nebuchadnezzar va reconnaître que c'est Dieu qui règne sur le règne des hommes. Vous y êtes? Avançons. Chapitre 24 d'abord. 24, rapidement là, il finit. Verset 23 à 25. Verset 23, nous sommes dans Proverbe. Je suis encore dans le message pour le président de la République. Que le président de la République doit appeler la nation camerounaise à la repentance. Ça, c'est l'aspect politique de la chose. Souvenez-vous, le président de la République porte les attributs du grand roi des cieux. Vous savez, ça, pas vrai? Maintenant, après, on va se tourner pour l'église. C'est le linge sale. C'est le linge sale. Ça, c'est en famille. Maintenant, verset 23 du Proverbe 24 dit jusqu'au verset 25, « Voici encore ce qui vient des sages. » Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Verset 24. Celui qui dit aux méchants, tu es juste. Les peuples le maudissent. Les nations le maudissent. Verset 25. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien. Et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Voilà pourquoi, vous voyez ces choses, ces gens-là, les ministres volent haut là-bas, ils volent. Vous remarquez comment il y avait la grogne dans le cœur du peuple. Le grogne. On dit, comment quelqu'un seul peut avoir 50 milliards? Comment? Comment un fonctionnaire, comment au monde un fonctionnaire peut travailler? Il a la seule, sa consommabilité de pays présente 150 000, il a une villa qui peut coûter 500 millions. Comment au monde? Comment? Même s'il met 10 000 francs par jour, 10 000 francs, 10 000 francs chaque mois, il faut au moins 75 ans pour avoir combien? Observez seulement. 75 ans, il n'a pas encore 29 ans, il n'a pas encore 7 ans de pouvoir, 7 ans de fonction, 2 immeubles. Ces choses, suivez seulement ce que la parole dit. On continue, chapitre 28. Chapitre 28. Chapitre 28, verset 2. Qu'est-ce que ça dit? Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Donc, quand on commence à avoir des soulèvements dans un pays, vous allez voir, vous allez entendre que le président des syndicats était chose en train de gréver. Le président était parti au président en train de gréver. Ceux-ci sont en train de réclamer telle chose. Ceux-ci sont en train de réclamer telle chose. Les chefs sont nombreux. Puis on dit ici, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Les présidents de la République, de tous les pays, devraient comprendre qu'en réalité, c'est ici donc que les prophètes interviennent. Lorsqu'on n'a pas compris ces choses, on voit effectivement que même les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas ces choses. Ils disent que non, non, non. Qu'est-ce que le prophète a à voir avec le président de la République? Ils doivent être à côté. Ils doivent être à côté pour les permettre de diriger. Ce n'est pas qu'on reste à distance. On dit que le président là, c'est un sorcier. Le président là, c'est un sorcier. Le prophète a un attribut du Seigneur Jésus. Le président de la République a un attribut du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est en même temps prophète, en même temps roi. Vous savez, ce n'est pas vrai? Et il va régner sur les nations ici. La Bible déclare que quand il va régner sur les nations, les rois des nations vont venir avec leur gloire, vont affluer à Jérusalem. Pas vrai? C'est pas ça, frère? Donc, c'est un des attributs. Alors, vous allez voir effectivement comment Dieu va toujours placer les présidents, les prophètes pour annoncer. Va aller annoncer. Va annoncer. Va annoncer. D'accord? L'église n'est pas s'immiscer là. Pourquoi on lui donne un poste? Que je suis un poste de gouvernement. Il n'y a pas des prophètes, maintenant, vous avez un ministère des prophètes pour la vision du pays. Non, non, non, non, non, c'est pas ça dont il est question. Le prophète, normalement, reste à son poste. Quand Dieu a un message, il l'envoie au président de la République. Il envoie que voici la direction, il donne. Je sais pas que vous avez vu ça dans la Bible, non? Enfin, si vous n'avez pas vu, il n'y a pas de problème. Déchirez votre Bible, de toute façon. Chapitre 29. Chapitre 29. Verset 14. Qu'est-ce que cela peut faire avec le président? Mais quand on a raté la mise, maintenant, on commence à entrer maintenant. Les prophètes d'aujourd'hui commencent à dire qu'il faut voter tel président, il faut entrer dans la politique, il faut aller renverser, comme le président le dirige mal, parce qu'on n'a pas compris le plan de Dieu. Ils ont plutôt vu que ce qu'il faut faire maintenant, c'est entrer dans la politique pour influencer. C'est pas ça. On n'a pas besoin d'entrer en influençant. Le message sort, ça a donné. Quand c'est sorti et que le décret est sorti du haut, du ciel, vous n'avez pas le pouvoir sur la terre. Remarquez bien Jérémie. Le message de Jérémie n'était pas facile à transmettre, mais il était question qu'il n'ait pas dit au roi qu'il faut se soumettre à Nebuchadnezzar. Voilà la voix du Seigneur pour ce roi-là. Quelque chose que vous allez faire, Dieu n'est pas avec vous, soumets-toi entre les mains de Nebuchadnezzar parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. La solution pour Dieu, c'est que laissez qu'il vous amène, il vous enchaîne, il vous amène à Jérusalem. Quand le moment va arriver, il va vous faire rentrer. Vous résistez, vous allez confirmer. Qu'est-ce qu'on a fait à Jérémie? On a dit qu'il inspire comme ça la méfiance au peuple. Il les décourage. On l'a pris à les garder en prison. Le jour, quand il a dit en prison, c'est que la boue est entrée dans ses yeux et autres. On a encore fait sortir. Le roi pensait qu'il avait changé d'avis parce que ce n'est pas son message. Même si vous devez te dire quelque chose pour que tu le relâches, quand il va ouvrir la bouche, il va dire, ah, ça va sortir que soumettre à Nebuchadnezzar. C'est comme ça. Vous suivez ça, frère? Alors, il s'est tenu là-bas avec la chaîne subie comme ça. Là, on a amené dans le cours. Jérémie, qu'est-ce que tu dis? Il a ouvert la bouche comme ça. Il n'y a pas de compromis. C'est avec le message de Dieu. Il a ouvert la bouche. Ainsi parle l'Éternel. Nebuchadnezzar, ça viendra. Il détruira ces pays. Il amènera captif tout le roi en compétition. Donc, ça veut dire que la prison, si n'était pas corrigée, ça ne peut pas le corriger. Vous pouvez corriger la chair. Quand cet extérieur, il doit se détruire, l'intérieur se renouvelle. Vous voyez? On a dit, ok, mettez-le là-bas, dans le cours d'Europe. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas chez lui. Mais, vous pouvez tuer Jérémie. Le tuer, il quitte. Le message du ciel demeurera. Comme il est décrété en haut que Nebuchadnezzar viendra, amènera captif tous les ustensiles. Ça s'est passé, frère. Parce que le décret du très haut. Alors, le messager n'a rien à voir là-dedans. Mais comment se fait-il donc qu'un chrétien puisse se compromettre au point de dire maintenant qu'il entre dans la politique pour être soutenu, pour être là-bas chaque jour au bureau pour prier pour lui? C'est pas ça dont il est question. Chaque président a sa responsabilité devant le Seigneur. Il sera amené en jugement pour cela. C'est pour ça qu'il faut appeler la conscience et leur dire surtout le message du président. C'est au moment des élections présidentielles qu'on commence à dire. Vous entendez le président, la coalition des présidents réunis des églises ici disent au président de la République qu'il va faire comme ça, il va faire comme ça. On fait comme ça pour qu'on les envoie des enveloppes. Ce n'est pas comme ça. Les prophètes de Dieu doivent annoncer la parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu dit pour le président de la République du Cameroun? Appelle un jeûne de repentance sur le pays. Écoutez, dans le psaume 2, la Bible déclare pourquoi ce tumulte... Enfin, lisons d'abord ici, puis on y va. Proverbe 22, 29. C'est ça, n'est-ce pas? Proverbe 29, verset 14. Regardez ce que ça dit là. Un président qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Vous avez vu, frère? Un président qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. La personne qui va faire alliance avec avec le Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le président qui fait alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est son règne qui prospérera. C'est vrai que sur le fogue humain, parce qu'il y a beaucoup de puissances sur la terre qui veulent en découdre avec la personne, mais la main du Seigneur Dieu Tout-Puissant est là. Psaume chapitre 2. Dès qu'on lit Psaume là-bas, on finit, on va dans le livre d'Ecclésias au chapitre 5 et puis on a terminé. Souvenez-vous de là où on a commencé. Dans Daniel chapitre 24, verset 24, la partie C. Jusqu'à ce qu'il comprenne que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à celui qui lui plaît. Et dit Psaume chapitre 2, n'est-ce pas? Regardez le verset 10. Et maintenant, président, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils. Qui est le Fils? Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Donc, baisez le Fils, ça veut dire que venez en alliance avec lui. Embrassez-le. Considérez-le. Prenez-le pour appui, afin qu'il ne s'irrite. Vous avez vu cela? Puis, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. J'aurais souhaité prendre Nahum là-bas, Miché, et oser puis parler de ce que le prophète a dit par rapport aux nations, ce qui devrait arriver. Mais le message pour notre pays, c'est le message que le président de la République doit décréter une journée de repentance. Ça, c'est l'aspect politique de la chose. C'est-à-dire que ça touche le pouvoir. Maintenant, il y a ce que l'Église doit faire en parallèle. Parce que l'Église, normalement, a ce message, c'est depuis. L'Église a ce message depuis, mais on est dormant. Quelque chose va secouer pour réveiller. Ecclésias, finissons là, pour le message pour le président. Ecclésias, vous êtes dans le proverbe, vous avancez seulement. Ecclésias. Il y a beaucoup de choses à dire, mais la quintessence du message, c'est ceci. Monsieur le président, le Seigneur Dieu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, t'ordonne de décréter un jeûne sur le pays, le Cameroun, en guise de la repentance des mauvaises actions de tout le peuple. Proverbe chapitre, Ecclésias chapitre 5, lisons les versets 7 et 8. Suivez attentivement, puis je vais dire quelque chose là et j'en sors. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Vous avez vu ça? Un avantage pour le pays, à tous égards, c'est un président honoré du pays. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Le Seigneur dit ici qu'en fait, sur le règne humain, c'est que le Saint-Esprit a dit dans ce passage d'Ecclésias chapitre 5, le verset 7 et 8, c'est qu'en réalité, le vrai problème avec le règne des hommes ne se situe pas au fait que les gens sont mauvais. C'est que s'il y a des violations de pauvres et autres là-bas, c'est parce que le système de gouvernement humain se trouve sur un système pyramidal. C'est ça qu'il a dit. Donc Dieu dénonce le système pyramidal de gouvernance. Il y aura un gouverneur, après il y aura un préfet, après le préfet, le sous-préfet, celui-ci rencontre, celui-ci rencontre, celui-ci rencontre. Il dit que s'il y a ça dans la ville, c'est que ne t'étonne pas. C'est parce que quelqu'un est élevé, il y a quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui est élevé dans le système. C'est que c'est le système-là qui fait problème. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Donc le système pyramidal est un problème pour le Seigneur. C'est ce qu'il a dit là. Je vais revenir sur ça pour parler du système de gouvernement humain et du système de gouvernement de Dieu. Vous entendez ça, frère? Donc en réalité, ce n'est pas le président de lui qui est le problème. Ce n'est pas les juges qui sont le problème. Ce n'est pas parce qu'il y a la correction là pour tout le monde. Voilà pourquoi la parole de Dieu est donnée. Voilà pourquoi c'est inspiré pour corriger. Il dit que si vous voyez de l'injustice sur le plan humain, celle-ci est venue maintenant, elle est en train de dormir. Quand on va commencer la prière de prophétie, maintenant elle va s'élever. Le Saint-Esprit dit ici dans Ecclésias chapitre 5, verset 7, il dit que si vous voyez dans une ville des violations sur le plan humain, on voit ça pas vrai, vous ne pouvez pas réparer ça. Vous ne pouvez pas réparer. Alors vous allez aller au tribunal ici, vous dites, ah je vais ici parce que mon oncle est le magistrat ici. Au-dessus de ton oncle qui est magistrat, celui qui vient contre toi là-bas, la Cour suprême encore plus haut, a aussi son oncle qui est aussi magistrat. Qu'est-ce que vous en faites? Une fois ici, on casse ici, il arrive par là-bas, on casse. L'autre là, il dit que mon oncle, il connaît quelqu'un qui est ce ministre de la justice. Ouais, là on en est. Après, vous dites que non, non, non. Comme j'ai une relation qui est au premier ministère, vous voyez que c'est un problème de pyramide. C'est un problème de pyramide. Quelle est la solution pour s'en sortir? La Bible déclare au verset 8, mais un avantage à tous égards, c'est un président qui est honoré. Donc, le président ne peut rien faire. Ici, le président est honoré du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président rend justice du jugement. Et pour qu'il puisse rendre justice du jugement, il faut qu'il écoute la voix du Seigneur. Alors, monsieur le président, le Seigneur veut que son excellence publie des jeûnes et des prières pour le Cameroun en guise de repentance. En guise de repentance. Monsieur le président, votre lit, vous vous couchez, vous mettez votre oreiller, c'est plié. Votre oreiller est plié. Lorsque vous levez, arrangez votre oreiller. Dressez votre lit. Maintenant, écoutez bien. Écoutez, ça, c'est Omar Bongo Odinga, l'ancien président. Suivez attentivement ce qu'il va dire à la fin de son règne. Écoutez. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit, amusez-vous. Mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Ça, c'est le président de la République gabonaise. Quelques jours avant qu'il ne meure. C'est lui qui donne ce genre de discours. Écoutez encore une fois de plus. Écoutez. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Vous entendez ce qu'il dit? Il nous observe. Il dit que Dieu les observe. Ça, c'est pour le Cameroun, c'est pour le Gabon. Il dit que Dieu ne nous a pas donné de faire le Gabon ce qu'il veut. Dieu n'a pas donné au peuple gabonais, au président, c'est le président de la République gabonaise qui parle comme ça. Mais ici, il y a quelque chose que j'aurais souhaité parler, c'est en offre que je vais vous parler de ce qui s'est passé entre lui, la rencontre entre lui et le Seigneur Jésus. Vous pouvez dire n'importe quoi de quelqu'un. Dire n'importe quoi de quelqu'un. Vous ne connaissez pas la fin de ces jours, ni ce qui s'est passé entre lui et Dieu. Donc faites attention. Vous allez dire n'importe quoi par rapport à son œuvre. Vous ne savez pas quelle rencontre il a eu avec le Seigneur Jésus Christ. Donc il dit, Dieu ne nous a pas donné. Ça il sait qu'il est partant. Dieu ne nous a pas donné le Gabon de faire n'importe quoi. Il dit qu'il est en haut, il nous observe. Écoutez-le. Vous le voyez, non? Il dit amusez-vous. Donc Dieu dit amusez-vous. Mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Voilà. Donc, celui-ci était sage, il sait de quoi il est question. Ça, c'est le président Omar Bongo. Vous l'avez vu en image, pas vrai? Donc, voilà quelqu'un de sage. À la sortie de sa vie, il a eu la grâce d'écouter la voix du Seigneur Jésus. Voilà quelqu'un. Vous pouvez dire n'importe quoi maintenant. Qu'il a fait comme ça. Qu'il a fait comme ça. Vous serez surpris ce jour-là en haut. Nous voilà. Baissons la tête, prions encore pour le président. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que lorsque nous déréglons, c'est toi qui nous diriges. Seigneur, sans orientation, où irons-nous? Notre pays, Seigneur, est en proie de la puissance des ténèbres. Depuis les régions célestes qui désirent créer de troubles dans notre pays. Et tu as déclaré, Père de gloire, qu'il y ait un jeûne de repentance pour cette nation-ci. Nous prions au Père, afin que tu fasses à ce que le destinataire de ces messages puisse en prendre conscience. Toi, Seigneur, tu m'as dit que tu as déjà publié ces choses-ci à plusieurs autres personnes, de lui communiquer. Je prie au Dieu de gloire que tous ceux-là à qui le message avait été destiné refassent surface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père de gloire, parle à son âme, parle à son esprit, parle à sa conscience. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions au Dieu de gloire que autour de lui, que tu le couvres de ta grâce. Autour de lui, que toi-même tu fasses le nettoyage. Autour de lui, que tu lui donnes des gens qui vont le pousser à vivre comme toi tu veux et à marcher dans tes voies. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Écoutez encore celui-là. Écoutez encore. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera.